se trouve au bout du monde. Et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton retour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu demeures à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Viens avec toi le temps.